dans vous autres, pour vous autres, quand restez ici. Sais-tu pourquoi est-ce que je pars pas? Parce que je veux pas vous faire passer des changements vibratoires trop rapides. Comprends-tu ce que je veux dire? Non, en fait, sérieux. Comprends-tu? S'il y avait simple, si c'était être le cas d'une relation entre moi et un individu, là j'aurais pu apprendre ma liberté. Mais comme il y a beaucoup de gens dans Piache, je peux pas l'apprendre ma liberté. Quand tu fais passer des changements dans toi rapides, tu le fais passer à un individu. Ou peut-être maximum deux individus à la fois. Mais tu peux pas faire passer toute une salle. Parce qu'il y a trop de niveaux différents de sensibilité et d'objectivité de conscience d'une salle. Fait que ça a aidé certaines personnes, mais ça a retardé d'autres. C'est pour ça que je sais pas. Ran it that I'm on his own. Mais je sais vibratoirement, que si je l'avais fait, ça vous aurait fait accéder à un niveau vibratoire plus vite. Mais je l'ai pas fait pour les raisons que je viens vous expliquer. Ça va assez proche en maudit. Oh. Ben proche. Puis elle a pas tontiné, elle la suit, hein. Elle n'a pas le choix. Parce qu'elle sait comment ça marche, l'énergie. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on a devant nous autres des années. J'ai des années devant moi pour vous amener à un taux de vibration, puis un taux de vibration, puis un taux de vibration. Mais durant ma période d'initiation, moi, quand j'étais fusionné avec eux autres, que je devais passer une initiation avec des gens près de moi, il n'y avait pas de tontinage. Là, il n'y avait plus tu pouvais plus revenir. Quand la décision était faite, c'est final. Fait que, on passait à des changements vibratoires. Je comprends. Tu nous l'as dit, puis là, on était inquiète. Bien sûr. Fait que, on a arrêté mental à poser des questions. Être mental, c'est un petit peu important, on va wow. Si vous aviez été mental, ça vous aurait rien fait. Mais je sais qu'il y a des femmes dans le groupe un petit peu. C'est ça, du discernement. Des émotions plutôt. Jeannette Burubé. Mais dans ça, là. Il n'y a pas grand monde qui s'en occupe. Non. Il y a un point là-dedans. Si vous pouvez le saisir, ce point-là. Oui. La vibration. Parce que moi, j'ai pas pensé à ça. C'est la vibration qui passe, puis j'agis sa vibration, puis la vibration, elle me ramène. Je reviens. Mais la vibration, elle aurait pu m'amener à continuer, d'ailleurs. Faire à continuer. Fait que c'est la vibration de la conscience qui détermine ce que je dois faire. Et non moi qui détermine ce que je dois faire. C'est là qu'à ce moment-là qu'on est centré. Puis il dit ça, il dit c'est important qu'on réalise. Moi, ils vont pas commencer à me replonger d'une situation d'initiation avec vous autres. Parce que je suis pas intéressé. Puis ils savent que je suis pas intéressé à vivre. Parce que c'est très dur, une initiation vibratoire. Once is enough. C'est très pénible. Je l'ai vécu avec ma femme pis quelques personnes. Laissez-moi vous dire, c'est pas grave. Fait que je suis pas intéressé envers vous autres. Mais, j'aime ça vous faire comprendre des choses, des nuances. Vibratoire. Parce qu'un jour, vous allez l'avoir, la vibration, vous autres, vous allez le faire, ce mouvement-là. Tu sais, ce mouvement-là, là. Vous allez le faire. Dans vos expériences de tous les jours. Mais finalement, c'est ça qui se passe un peu, mais pas intense comme moi. C'est ça. C'est exactement ça. La seule différence, c'est que l'intensité n'est pas aussi grande. C'est le même mécanisme. La charité, c'est pas nécessaire. On a tous le même potentiel. Si chacun s'occupait de lui-même, on n'aura pas tous les autres. C'est un mot.

Supposons que je m'en vais au restaurant, je vous rencontre, puis je m'assieds à la table, je jase avec vous. Avant de partir, je vous paye votre repas. Comme ça. Puis là, après, je vous rencontre, puis vous me dites, t'as pas d'affaire payer mon repas, une femme paye pas un repas, un homme, d'affaire, je peux pas, moi. J'ai fait comme un repas, ça n'a pas d'argent pour le faire. Je vous donnerai pas des raisons de même. Moi, je vous donnerai pas des raisons pour payer mon repas parce que vous êtes une femme. Raison, il y en a qui vont dire, t'as pas d'affaire à me donner ça. Moi, si vous me racontez un restaurant, que vous payez mon repas, que je refuse de prendre mon repas, de prendre le fait que vous payez mon repas, je vais le faire pour vous empêcher, pour vous forcer à tuer une forme de sentiment, de ouais, mais il n'y a pas de sentiment, là. C'est donné sans. Ouais, c'est moi qui le sais. Ah, ouais. Moi, je le sais. Ben, moi, quand dedans, je sais qu'il n'y a pas de sentiment quand c'est donné. Non, c'est pas ça que je veux dire. D'abord, quand vous donnez toujours avec un sentiment, mais vous donnez toujours avec un sentiment positif. Non. Pas pareil. C'est impossible à l'ego psychiquement de faire quelque chose sans qu'il y ait une réflexion en lui. Impossible. Impossible. Une réflexion. L'ego, il peut pas fonctionner sans réflexion. C'est impossible. J'essaie de vous faire comprendre ça. C'est avec le temps, avec le temps, avec le temps, il y en a plus. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on peut pas. Dans le don, dans les activités humaines, toujours, il y en a toujours. L'ego est fait de même. L'homme est psychique. Il est pas mental. Il devient mental, là, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Quand t'es mental, tu fonctionnes rien que vibratoirement, tu fonctionnes jamais psychiquement, psychologiquement, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de force. Il n'y a rien. C'est vide. Tu peux plus souffrir. Puis quand tu peux plus souffrir, tu peux plus faire souffrir les autres. Fait qu'à ce moment-là, la souffrance à la terre arrête. Et n'empêche, je comprends pas. Vous venez de dire, là, si on est mental, on peut pas faire souffrir, là. Mais ce que vous avez fait par là, vous êtes revenu. Non, je crée un choc vibratoire, je suis revenu. Oui, mais pendant ce temps-là, les autres, ils ne savaient pas, mais c'est-à-dire qu'il y avait, quand même une certaine. Une certaine souffrance. Il y a une vibration. Si j'étais parti, il y en a qui auraient souffert. Puis il y en a qui n'auraient pas souffert. Mais si j'étais parti, il y en a qui auraient souffert. Parce qu'ils n'auraient pas compris. D'abord, la raison pour laquelle je suis revenu, c'est parce qu'il y en a qui auraient pensé que j'étais fâché. Parce que vous me connaissez pas encore. Fait que vous auriez pensé que j'étais fâché. Puis lui, il aurait pensé que j'étais fâché contre lui ou qu'il aurait été responsable de tout le mécanisme qui serait venu à ça. Ça va loin. Quelqu'un qui arrive depuis la salle, là, comme dans un bouton, là, pis on, j'ai dit à quelqu'un, t'as pas fort, là. Pis rentrer à ce moment donné, on se rend compte qu'il faut faire souffrir l'homme. Ben, dis-moi, après analyse, là. Après. Après ça, là, ils vont dire que je me mets à analyser, là, ce qui s'est passé, là. Puis, je fais souffrir quelqu'un d'autre. Puis je m'en rends compte. Puis quand je m'en rends compte, ben, ça se neutralise, on dirait, c'est son problème. Ça me donne vraiment l'impression d'être bien vu. Comment est-ce que ça crierait, ça broyerait, ça foulerait, ben, je dis roule, puis braille, puis chien, puis quand t'as fini, ben. Ça fait partie de la centricité. Ouais, mais ça, c'est aussi. Oui, mais à un moment donné, ça vient de lui aussi à lui. Oui. Après, tu regardes la personne, ben, t'es pas capable de rien faire. Mm-hmm. C'est ça qu'il y a de fait. Mm-hmm. Tu le regardes, là.

mais on a beaucoup de choses à comprendre. Puis on comprend tout vibratoirement, on comprend plus rien psychiquement. Il n'y a plus rien à comprendre psychiquement. C'est vibratoirement qu'on comprend. Puis à ce moment-là, c'est ça le savoir. Sans ça, c'est une perte de temps qui finit plus. On est totalement inconsistant avec nous-mêmes. Parce qu'on est totalement hors de phase avec nous-mêmes. Là, les gens commencent à être un petit peu plus en phase avec eux-mêmes. Ça commence. Mais que ça fait combien de temps? Ça fait des années, puis des années, puis des années, puis des années que les gens essaient de se situer, puis de se préciser, puis de se sentir réellement bien dans leur peau. Des années. Ils ont essayé tout. Tout! La réponse est simple. C'est la vibration. Un peu comme l'éducation ou l'instruction. Exactement. Il y en a qui ont des. Je pense qu'ils ont de l'éducation, ils pensent qu'ils sont instruits. Non. C'est pas le même truc. Parce que le mental est totalement expérientiel. Il est totalement expérientiel. Il n'y a rien d'éducatif. Comment il vous parlerait? Comment il vous donnerait des gars aujourd'hui qui vont vous dire en 10 ans? Ça vous passerait 10 pieds sur la tête? Parce que c'est totalement expérientiel. J'avance. C'est expérientiel. Ça n'a rien à faire avec l'éducation. Il n'y a rien de psychique là-dedans. Vous auriez appris plus à soi si j'avais sacré mon camp. Avec toutes les jazz, hein, les jazz. Mais au moins, je vous donnais un petit peu. Une petite pièce. Tu prends la fête du 10 pièces. C'est au bout de la fête du 10 pieds. C'est au bout de la fête du 10 pieds. Ça va marcher longtemps, là. Tu déclarais ça dans les pots l'année prochaine. Oh, les gars. Que t'as pas un comptable, il check ça là. Ouais. Moi, je leur ai dit, pourquoi tu ne fais pas une affaire globale, là? Tu cherches tant au monde, là, pour un an ou deux ans, ou je sais pas. Final. Non. La forme. Ils veulent la détruire, la forme. Mais comment expliquer qu'à chaque fois, là, on fait une démarche, hein, on n'a jamais d'argent. Jamais. Puis, il faut que tu apprennes quelque part, tu n'as pas le choix. Tu as beau dire, il faut que tu payes tout de suite, mais à un moment donné, il faut que tu le payes, ça. Mais ça l'arrête pas, jamais, jamais. Tu as 10 pièces d'extra, tu vas arriver. Tu vas avoir un pépin qui va te tomber dessus pour 15 piastres. Ça l'arrête jamais, jamais. Tout le temps, ça arrête pas. Ça chalait en super à rouge. Je veux vendre pas plus. Si un affaire qui casse 10 piastres, ben, j'aimerais bien avoir 10 piastres juste pour remplacer. Mais non, moi, j'en aurais juste 8. C'est ça. Fatiguant en 5 secondes. Peut-être tu plies et ça arrête pas jamais, jamais, jamais. C'est ça. Fait que ça crée une tension. Puis c'est avec la tension que tu travailles. Constamment avec la tension. Moi, j'ai une tension en moi, là, que j'ai depuis le début de l'initiation. Il y a un moment, là, pendant des années, elle était ici, là. Là, elle a été pétée, celle-là. Ça, c'était bon, vous dites. Quand elle est sortie de moi, là, c'était comme une boulette de canon. C'était grosse de même. Puis, matériel, hein. Elle était assez intense, là. Puis, il a fallu que je la sorte avec un grand cri. Elle est sortie de ça, là. Comme ça. Et ensuite, il y a la tension. Il y a une autre tension. Au niveau du corps éthérique. Puis ça, je vais l'avoir jusqu'en 84, cette tension-là. Puis, cette tension-là, je m'empêche d'être heureux. Ce que vous appelez être heureux, vous autres, là. Tu sais, quand t'as pas de problème, t'as rien. Moi, des problèmes, j'en ai pas, mais je veux dire, quand t'as rien, tu sais, là. 25 minutes de répit. Tu sais, bon. Je l'ai pas. Moi, là, pour être ce que vous appelez heureux, faut que je change de plan. Quand je suis dans une chambre de plan, là, je suis correct, naturellement, les conditions sont totalement hautes. Mais aussitôt que je reviens dans ce maudit corps matériel-là, la tension est là. Puis il va regarder là jusqu'à 84. Sans ça, je fumerai pas. Je mangerai pas de viande. J'aurai une vie bien. Puis elle maintient. Elle a là, cette tension-là aussi. Quand t'es dans le super mental, tu ne peux pas être heureux. Rappelez-vous bien de ça. Fait que si vous êtes heureux, vous êtes pas un super mental en gros. Parce que le super mental, c'est un plan qui vous amène en contact avec l'invisible. C'est rien qu'en contact avec l'invisible que là, vous avez le pouvoir d'être totalement dans la lumière. Là, c'est là. Ce que vous appelez vous autres le bonheur parfait. Mais tant que vous êtes entre les deux, vous pouvez être heureux quand vous êtes psychique. T'en as maud, tu danses, t'oses un petit peu. Vous vous frottez pour 2-3 heures, là. Là, vous êtes en ballon, dans votre tête. T'es. T'en as maud, vous êtes heureux. Ça monte, puis ça descend, puis ça monte, puis ça descend. Ça va être heureux, n'y a pas. Non, non. Il dit, quand vous êtes heureux, vous êtes dans un état de vie consciente, subjective, psychique. C'est pour ça que je dis, au lieu d'employer les termes heureux, je dis, j'emploie le terme être bien dans votre peau. Quand t'es bien dans ta peau, là, là, là, t'es bien. T'es bien. T'as plus de problème dans ta tête. T'es bien. Mais la vibration est encore là. Fait que tu peux pas être heureux. C'est la vibration qui crée l'attention. Ça viendra un jour où on sera aussi bien dans le physique comme oui, sur le plan. Oui, quand le cycle sera commencé puis le changement de plan sera opéré, mais le changement de plan n'est pas opéré. Fait que là, que c'est que l'attention est là, puis elle sert à transformer, puis à transformer, puis à transformer. Puis vous allez réaliser ça, puis assez vite. Il y a toujours une petite tension vibratoire en dedans, et tout. Il y en a-tu qui savent ça? Il y en a-tu qui sentent toujours une petite, il y a toujours un état instable. Ça tiraille. OK, là? Ça peut-tu s'exprimer par une tristesse? Ça peut s'exprimer par n'importe quoi. Mais il y a toujours, t'es jamais heureux. Il y a toujours une petite crotte dans quelque part. Il y a toujours comme une petite vie, une petite intelligence en dedans. J'essaie de mettre ça. Il y a toujours quelque chose en toi qui est pas totalement... Il y a une guille qui tourne pas du même sens que les autres. Il y a toujours quelque chose. Une guille qui tourne à l'envers des autres. Il y a toujours un mouvement d'énergie quelque part. Soit ici ou là, il y a toujours que... C'est ça la conscience. C'est ça la conscience. Puis ça, ça grandit. Puis dans tes actions de tous les jours, aussitôt qu'il y a un effet pain qui arrive, là, cette vibration-là monte. Zoup! De même. Comme ça, redescend. Les connards de verre, zoup! Ah bon. C'est là que t'as cette affaire-là, ici, autour de ta tête. Là, tu viens. Ça t'enchaîne des mots physiques, ça. Ça peut faire bien les affaires. Oh, ça peut t'amener même jusqu'à maladie physique. Il y en a qui sentent que mal de vous le dit. Ouais, c'est ça. Mal de c'est la ça. Tête. C'est ça. Ça, c'est des tensions. Ouais. Mais au départ, faut faire la part des choses. Il y en a qui vont dire, ah, oh, c'est... Je veux répondre à ce qui vient de dire, là. Ce qui arrive, c'est ça qui est important. Ben, voilà. Ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, quand tu deviens bien mental, que ça se lâche dans le physique ou n'importe où, tu t'en occupes pas. Fait que tu peux plus venir malade. Voilà ce que je veux dire. Si tu t'en occupes, t'es foutu. Tu t'arrêtes de ça? Ben, c'est évident. Tu le nourris. Bien. Tu nourris pis là, tu crées une forme. Mais si tu t'en occupes pas, rien là. Oui, mais là, de pas s'en occuper, là. C'est ça. Quand je dis ne pas s'en occuper, là. Je veux dire, moi, quelqu'un qui est malade, là. Bon. Disons qu'il physiquement, ça va pas. Ouais. Là, il s'assied, il dit, bois. C'est mes vibrations qui s'ajustent. Ben, il va pas voir le docteur sous prétexte que c'est ses vibrations. Moi, je dis au départ, c'est moi qui pense comme ça, c'est correct. Tu vas voir le médecin, nouveau physique. Oui, absolument. Si t'as quelque chose, tu te soignes. Si t'as rien, ben, que le docteur n'en porte. Absolument. Absolument. Absolument. Ça, c'est très vrai. C'est très important. Faut que les gens soignent. Mais, ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment, tu le sais. Tu le sais, tu le comprends. C'est ça. Que c'est tout un jeu vibratoire. Là, t'as la vibration pour le déloger. Pour la changer, cette vibration-là. Fait qu'à ce moment-là, t'as pas besoin de t'inquiéter. T'sais. Mais tant que t'as pas cette conscience assez précise, là, t'es obligé de le faire. Faut qu'on prenne soin de notre corps matériel. Faut pas tomber des nuages. Puis croire au miracle. Croyez jamais au miracle. Fier. Ça ne peut pas venir, on ne sait pas quoi. C'était une fois. Je vais t'arrêter, c'est un front. Mais cette petite tension vibratoire, il y en a combien qui sentent cette petite tension-là vibratoire? Pas mal. L'assuré que tu parles, là, on peut avoir, c'est vrai que je vais me quoi pour tomber malade. C'est, cette tension-là, elle te fait sentir toutes sortes de choses. Non, parce que moi, j'étais à l'hôpital une semaine de temps pour une maladie, donc j'ai jamais été certain c'était quoi, puis je suis sorti, je me disais, je savais qu'il était pour venir, puis elle est souvent, cette tension-là, elle va se loger dans le plexus solaire au début. Il y a tout quelque chose, tu sais. C'est le matin de soulèvement. Ouais, c'est ça. Merci. Alors, je te le dis, là, ça... Il y en a qui appellent ça des spasmes nerveux. Des spasmes nerveux? Attention, parce qu'il y a un petit peu de vite là-dedans, là. Il a une fois le visage avec ça. On a des nez. On a des nez. Il y a un autre emploi là, depuis un certain temps. Dans le mental des gens, il y a plusieurs significations. Il y a des gens qui se questionnent de la valeur de projet, ce que ça veut dire. C'est ça, non, c'est le mot égrégore. Voilà. Alors, la définition effleurerait peut-être certains gens qui cherchent la vibration juste de la valeur du mot égrégore. Bon. Pas se cacher à fond, tu passes le bois. Ce que, quand j'emploie le mot égrégore, ce que je veux dire, toute construction par votre esprit d'une forme, soit mentale ou émotionnelle, c'est un égrégore. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Une pensée, c'est réel. Une émotion, c'est réel. Quand vous êtes dans le mental, si vous créez une pensée, vous la détruisez automatiquement. Fait que vous accumulez jamais d'égrégores. Si vous vous servez d'une énergie émotionnelle, vous la détruirez, vous en servirez, vous la détruirez. Fait que vous n'aurez jamais d'égrégores. Et tant que vous n'êtes pas dans le mental, vous créez de l'émotion, puis vous créez de la pensée subjective, puis ça reste, puis ça flotte, puis ça flotte. Puis ça, ça empêche le contact précis avec les autres. C'est ça que j'appelle de l'égrégore. Appelez ça de la mousse. C'est une mémoire. C'est une mémoire. Maudit, vous êtes intelligent. C'est une mémoire. L'égrégore, c'est une mémoire, soit au niveau individuel ou au niveau de la Terre. C'est une mémoire. Effectivement, c'est une mémoire. Et cette mémoire-là doit être détruite. Pis c'est avec cette mémoire-là que vous pensez. Pis c'est avec cette mémoire-là que vous allez pis que vous vivez dans le passé. C'est avec cette mémoire-là que vous souffrez du passé. C'est avec cette mémoire-là que vous souffrez des pensées que vous avez. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que pour détruire cette mémoire, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, accrochez-vous pas à vos pensées. Accrochez-vous pas à vos sentiments, à vos émotions. Vous les vivez, pis accrochez-vous pas, hein. Vous pouvez pas vous empêcher encore de penser. D'abord, on s'empêche pas de penser. Mais moins vous vous accrochez, moins vous maintenez en vie cet égrégore-là. Puis au fur et à mesure que votre niveau de conscience change, que vous allez vers le mental du supérieur, au fur et à mesure que les chocs vibratoires qui se répercutent dans les centres d'énergie de votre corps mental et de votre corps émotionnel détruisent cet égrégore-là. Fait qu'éventuellement, l'égrégore, tu n'en as plus. Quand t'as plus d'égrégore, tu peux plus fonctionner en relation avec le passé. Tu peux comprendre l'avenir. Mais tu peux pas fonctionner en relation avec l'avenir. Tu peux comprendre l'avenir, tu peux savoir l'avenir. Mais t'es pas attaché à l'avenir. T'es toujours dans le présent. Parce que le présent peut aller de deux bords. Autant le présent peut aller dans le passé, autant le présent peut aller dans l'avenir. Mais si tu t'attaches aux formes qui servent à t'inspirer de la nature, du présent ou du passé, du passé ou de l'avenir, à ce moment-là, tu crées de l'égrégore, pis c'est pas bon de l'égrégore. c'est ça qui forme le plan psychique de l'homme. L'égrégore, le plan psychique de l'homme est formé d'égrégore. À tous les niveaux. Puis ça existe au niveau de la civilisation, de la planète. C'est vos propres créations qui vous alourdissent, suivant votre état émotionnel, et ainsi de suite. C'est ça qui vous limite. C'est ça qui crée la statique entre les plans de la conscience pure et le plan de l'âme. C'est pour ça que l'énergie passe pas. Fait que qu'est-ce qui arrive quand l'énergie passe? Puis vous avez cet égrégore-là, ça bardasse en dedans. Fait que là, vous passez des périodes top. Vous pensez à ça, puis vous ruminez à ça. Tout le sait. Quand j'ai parlé de Lucifer, une fois, c'était pour faire vibrer ça. Les gens peuvent pas comprendre comment est-ce qu'on peut vivre sans penser. C'est la chose la plus facile au monde. Comment est-ce qu'on peut fonctionner sans mémoire? C'est la chose la plus facile au monde. Mais les gens peuvent pas comprendre parce qu'ils pensent. C'est quand tu vis parce que tu vis tout simplement. C'est ça. Tout simplement. C'est plus ni moins, moins tu penses, plus l'énergie passe. Moins tu penses, plus l'énergie passe. C'est pour ça que c'est bon en méditation. Parce que ça vous amène un petit peu à relaxer ça, cette patente-là. Avec là, l'énergie passe plus. Et vous êtes pas dans le mental encore, dans la méditation. Non. Vous êtes encore dans le psychique, vous êtes dans le psychique spirituel. Puis là, la méditation devient de bébé. Ainsi de suite. Moi, quand je vous dis, par exemple, qu'on est des niaiseux, j'emploie toujours des formes bêtes pour expliquer notre état. Quand je vous dis qu'on est des niaiseux, je vous le dis parce que je réalise combien on est emprisonné dans l'égrégore de nos pensées fortes, puis nos émotions. De sorte qu'on est incapable de participer à la vitesse extraordinaire de notre esprit. Quand tu peux pas participer à la vitesse extraordinaire de ton esprit, tu peux pas connaître la dimension extraordinaire du cosmos. Parce que pour comprendre le cosmos, faut que tu te serves de ton esprit. T'es obligé de te servir de ton esprit pour connaître le cosmos. Parce que ton esprit, c'est la mesure de toute chose. Fait que si ton esprit peut pas fonctionner à sa vitesse réelle, tu peux jamais connaître le réel. Comment tu veux dire? Quand ton esprit commence à fonctionner au niveau du réel, de son réel, à ce moment-là, tu connais le réel. Là, t'es dans le réel. T'es plus intéressé à la vérité pour mensonge. Parce que la vérité fait partie du mensonge. Mais la vérité, c'est pour attraper nos esprits nigo. Puis le mensonge pour nous barrer les portes à la réalité. Fait que les deux cercles, t'es au bout. C'est difficile, nous autres, de pas rechercher la vérité parce qu'on est foncièrement insécure, parce qu'on pense. L'insécurité, elle vient du fait qu'on parle. Si on pense à pas, on n'aura pas d'insécurité. Fait qu'on cherche la vérité, tu te mets sur le côté droit, au lieu du côté gauche, normal. Tu veux te mieux être avec les polices et les bandits. C'est sécurisant. Puis on la cherche, puis on la cherche, puis on la cherche. Les hommes cherchent la vérité depuis combien de temps? Des siècles! J'ai dit qu'il y a une chanson là-dessus. J'avais pensé que j'avais pas joué au frère à retrouver la vérité, mais la vérité avec les années. Moi, ça a tout à l'heure. Ouais, ça c'est intelligent. Bon, la propre grève, je pourrais parler de ça. La gravité? Ouais. Si tu veux savoir de la gravité. Ouais. Faut se défaire de la gravité. La gravité, là. La porte de gravité. M'en parler dans le cadre que tu viens de le proposer.